Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station 107 FM pour cette 18e chronique de Mêler l'histoire de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé de la deuxième partie du maquillage permanent, avions poursuivi par le style pixel, avions terminé par le motif de la carpe-coil et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons de la première partie des méthodes d'effacement. Continuerons avec un style de tatouage pour finir avec plusieurs motifs et leurs significations. Il est temps de démarrer. Il existe plusieurs méthodes d'effacement, plus particulièrement deux. La première est le recouvrement. Comme son nom l'indique, le but sera de recouvrir le tatouage que vous ne voulez plus par un autre tatouage. La deuxième méthode, celle que l'on va approfondir dans cette chronique, est le détatouage. Pour ce faire, vous devrez vous rendre chez un dermatologue possédant l'équipement adéquat, un laser. Cependant, que ce soit dans le premier ou second cas, les conséquences ou séquelles peuvent être importantes et le prix d'intervention sera bien souvent supérieur au prix du tatouage d'origine. Avant de, comme dit plus tôt, approfondir le détatouage au laser, on va parler très rapidement du recouvrement. Pour celui-ci, face au travail et cachant ses tatouages, il faudra élargir la zone tatouée, donc opter pour un tatouage plus grand, en général 3-4 fois la taille du tatouage précédent, et accentuer les pigments. Ceux-ci seront plus visibles qu'un tatouage ancien qui aurait pu s'estomper sous l'action d'une exposition régulière au soleil ou d'abrasion de l'épiderme. Mais cela n'est pas toujours possible, surtout dans un cas de tatouage tribal. En effet, comme nous en avons parlé dans la toute première chronique, le tatouage tribal est fait de lignes noires, donc ce type de tatouage est très difficile, voire impossible à recouvrir, et la seule solution étant de se servir des traits déjà existants pour créer un nouveau motif. L'autre méthode, comme dit plus tôt, est le détatouage laser. Celle-ci consiste à enlever à l'aide d'un laser qui projette une lumière puissante durant un temps très court, provoquant ainsi l'effet thermomécanique qui fait exploser les grains de couleur. Cependant, tout le monde ne peut pas faire ça. Il faut en effet des formations adéquates, faute de quoi il est possible d'endommager la peau de façon irréversible, en créant des cicatrices. Cette technique est aujourd'hui la plus sûre et la plus efficace pour retirer un tatouage. On l'appelle aussi laser déclenché ou pigmentaire. Et avec 20 à 30 millions de personnes tatouées dans le monde occidental, dont beaucoup s'étant fait assez récemment tatouer entre 1990 et 2010, cette demande devra encore s'accroître. Mais quel est le principe des lasers déclenchés ? La tête laser douceur ce faisceau lumineux initial comporte deux éléments importants. Le premier étant un milieu actif qui est souvent insolide comme le rubis, l'alexandrite, une espèce minérale qui a la particularité de changer de couleur avec l'éclairage, ou encore le yag, un grenat d'yttrium et d'aluminium, un solide cristallin. Le deuxième élément important est un dispositif d'excitation, souvent constitué de lampes flash. La tête de laser est ensuite placée dans une cavité de résonance comprenant deux miroirs, dont un semi-permanent, qui sont placés à chacune des extrémités. Dans cette cavité de résonance, il y a un élément spécifique appelé cellule de Pockel ou Q-switch qui agit comme un obturateur afin de laisser passer uniquement que des impulsions énergétiques géantes, ultra courtes de l'ordre de quelques nanosecondes. On ressort donc une énergie très concentrée dont les impulsions ont une puissance de quelques dizaines voire quelques centaines de mégawatts. La terre de l'épiderme et les pigments qui y sont logés reçoivent alors des sortes d'ondes de choc qui pulvérisent les particules d'encre. Il existe trois longueurs d'onde possibles contenues dans le faisceau lumineux généré par le laser déclenché. 695 nanomètres pour le laser ruby, un rayon rouge. 755 nanomètres pour le laser alexandrite, un rayon rouge aussi. Et 1064 nanomètres pour le laser yag, un rayon infrarouge. Chaque longueur d'onde de ces lasers sont spécifiques pour une couleur d'encre de tatouage donnée. Le laser ruby a été le premier laser déclenché utilisé dans les années 1980. Et certains lasers yag sont doublés en fréquence et produisent une deuxième longueur d'onde, 532 nanomètres, avec un rayon vert. Il existe des effets indésirables avec des lasers déclenchés, ainsi que d'autres utilisations de ces derniers, mais nous les verrons dans la prochaine chronique. On peut déjà se rendre compte de la technologie utilisée pour enlever un tatouage. La personne qui décidera de se faire enlever un tatouage devra passer par de la souffrance, ainsi que mettre la main au porte-monnaie, car c'est une méthode qui n'est pas donnée et qui est laborieuse. Passons maintenant à la deuxième partie de cette chronique, un style de tatouage, le style flash. Comme vous le savez à présent, le tatouage est apparu depuis l'apparition de la nuit des temps. Son origine, faute de recherche et de découverte, reste encore méconnue. Dans l'esprit, c'est relativement simple. Le but étant d'injecter de l'encre sous la peau afin de créer un symbole ou un dessin. Bien sûr, dans la pratique, c'est plus compliqué. Il peut y avoir différentes raisons qui poussent quelqu'un à se faire tatouer. Raisons religieuses, culturelles, rituelles, esthétiques ou d'appartenance sociale. Le tatouage s'est développé avec l'évolution et la technologie humaine et est devenu malheureusement pour certains un effet de mode. On compte désormais de nombreux styles de tatouage, selon les civilisations. Je ne vais pas toutes les énumérer, car vous pouvez les entendre dans mes chroniques précédentes. Cependant, au cas où vous tomberiez sur cette chronique, en voici quelques-uns. Le biomécanique, le celtique, le dotard, l'old school, le morbide, etc. Dans cela, certaines techniques sont plus esthétiques et plus avancées comme le tatouage flash, par exemple. Il existe différents moyens de pratiquer le tatouage, et celui que vous connaissez c'est sûrement le tatouage personnalisé ou sur mesure dont le motif est conçu par vous-même, avec vos idées et vos couleurs, mais avec l'aide d'un tatoueur. Cependant, une nouvelle pratique commence à se faire remarquer par les adeptes de tatou, le tatouage flash. Il n'est certes pas encore au même niveau que d'autres styles, mais pourtant c'est la nouvelle tendance du moment. Le but étant de recopier un modèle déjà répertorié par le tatoueur. Celui-ci laisse le client choisir par un large panel de motifs situés dans les catalogues et autres magazines qu'il a en sa possession. Aucune personnalisation et autres modifications seront faites au modèle d'origine. Le tatouage fini sera tel qu'il est sur catalogue. Mais ne vous inquiétez pas, en général, les salons et autres boutiques de tatouage mettent en valeur les meilleures représentations graphiques afin de capter votre attention dès le premier regard. En ce qui concerne les modèles, la plupart représentent des personnalités, des logos ou des chefs-d'œuvre de grands artistes. Il est vrai que faire un tatouage sur le corps peut parfois relever du calvaire, pratique de longue durée, douleur interminable, et heures perdues au salon ne donnent pas forcément envie aux personnes de sauter le pas et de se faire tatouer. C'est pour cela que la plupart de ces personnes optent pour le tatouage flash. Mais pas que. En effet, l'esthétisme et le prix peuvent être des raisons de plus de choisir le flash. Comme ce sont des motifs qui ne sont ni personnalisés ni modifiés, le tatoueur passe beaucoup moins de temps à étudier son dessin, puisqu'il est habitué à répéter les mêmes lignes, ce qui lui permet de gagner en rapidité et en efficacité. De plus, c'est pour vous un grand avantage, car vous n'aurez pas à douter même ne serait-ce qu'un minimum du résultat. Concernant le prix de la réalisation, cela dépendra de la complexité de la figure. Plus celle-ci sera complexe, plus elle sera chère. L'expérience du tatoueur permet donc au tatouage flash d'être moins cher et accessible à tous. Cependant, ce n'est pas parce que ces conceptions sont plus rapides que les tatouages personnalisés que les tatouages flash sont de moins bonne qualité que d'autres œuvres que l'artiste aurait produit, loin de là. En effet, un client satisfait de son tatouage flash recommandera l'artiste à d'autres, ce qui peut mener à un travail plus intéressant et plus cher. Comme vous l'aurez entendu, le tatouage flash est une solution qui peut vous aider si vous souhaitez avoir un tatouage de bonne qualité, rapide et peu coûteux, sans avoir à vous casser la tête à rechercher pendant des heures des motifs que vous voulez modifier encore et encore, afin d'atteindre celui qui se rapprochera le plus de votre envie. Et qui sait, peut-être que ça vous permettra de mettre un pied à l'étrier et de vous découvrir une passion pour les tatouages. Dirigeons-nous à présent vers la dernière partie de cette chronique. Nous n'allons pas parler d'un motif, mais de plusieurs motifs que l'on va retrouver dans le style viking. Yggdrasil, Fenrir, Jormungand, deux corbeaux et Aegiljarl. J'ai fait le choix de parler de celui-ci dans cette chronique car c'est un style assez court à détailler. Ce peuple qui a envahi l'Europe il y a de cela des centaines d'années a laissé quelques traces qui subsistent difficilement. Les vikings étaient les commerçants scandinaves païens qui peuplèrent l'Europe du Nord du 8e siècle au 11e siècle. Cependant, ils n'étaient pas que commerçants. En effet, ils étaient aussi des pirates, des guerriers et des grands voyageurs. Des recherches archéologiques ont prouvé que les vikings étaient déjà présents au Canada avant l'an 1000 et les grands voyages de la Renaissance. Parlons de l'étymologie du mot viking. Ce dernier vient du vieux norrois vikingr. Pardonnez ma prononciation, elle signifie celui qui vit dans les criques et les bras de mer. Cependant, cette étymologie reste incertaine. Il faut savoir que les vikings assimilaient volontairement la culture du territoire qu'ils colonisaient, ce qui accompagnait l'expansion du christianisme et du pouvoir centralisateur. Scandinave mis un terme à la civilisation viking. Le tatouage est une forme artistique qui conserve difficilement, la peau étant un organe fragile qui se conserve avec difficulté dans les sépultures classiques, nous ne pouvons donc pas dire de manière précise les motifs dessins utilisés par la culture viking. La seule chose que nous savons, grâce à Ibn Fadlan, un observateur arabe, est que les vikings étaient un peuple tatoué. D'ailleurs, dans son œuvre nommée Risala, il écrit « Chaque homme a une hache, une épée et un couteau qu'il garde sur lui à tout moment. Les épées sont larges et rainurées, à la manière franque. Chaque homme est tatoué des orteils au cou, avec des arbres et des figures, vert foncé. » Ainsi, le motif d'arbre évoqué dans cette œuvre correspond probablement au modèle d'entrelac fréquent dans l'art nordique. Le tatouage viking possède une esthétique propre et distinctive. Force et courage, deux vertus cardinales de la culture viking, ressortent de ces tatouages. Ils personnifient aussi l'indestructibilité, et l'ardeur. Les entrelacs nordiques peuvent tout à fait se rapprocher du tatouage celtique et du tatouage polynésien. Cependant, ils doivent tout de même distinguer. Dans l'art tatographique viking, nous retrouvons des motifs récurrents qui représentent des personnages et ou des scènes retrouvées sur des pierres, runes ou sculptures. Voici quelques exemples. Yggdrasil, c'est l'arbre cosmique viking contenant les 9 mondes de la mythologie scandinave, dont la planète Terre, qui est l'équivalent, de l'enfer, Hel, le monde des nains, le monde des elfes et le refuge des dieux. Fenrir, il s'agit d'un loup vorace géant engendré par le dieu trompeur Loki. Il est solidement attaché au Hel jusqu'au Ragnarok, à la fin du monde nordique où il redévore Odin. Jormungand, une nouvelle fois, pardonnez ma prononciation, frère de Fenrir. Il s'agit d'un serpent géant qui vit dans la mer. Encore plus vorace que son frère, il finit par entourer le monde de Midgard, celui des dieux, en se mordant la queue. Il tue Thor durant le Ragnarok. Deux corbeaux. Il s'agit des messagers d'Odin, ses yeux ainsi que ses oreilles dans le monde des hommes. Ces deux corbeaux symbolisent le savoir et la sagesse. On est rentré plus en détail dans ce motif dans la 9e chronique. La Aegisjarl, un symbole qui représentait la protection lors d'une bataille. Les runes, c'est un alphabet mystérieux qui permettait d'inscrire des messages magiques ou des inscriptions plus simples. Comme dit plus tôt, les motifs cités précédemment sont des motifs plus récurrents dans le tatouage viking. Je ne doute pas qu'il y en ait encore plusieurs, mais avec ceux-ci, vous avez déjà un bon début. Si pour vous, les vertus force et courage vous sont familières, si vous voulez personnifier l'ardeur et l'indestructibilité, ou que vous êtes passionné par les vikings et leurs croyances, alors ce type de motif sera parfait pour vous. C'est ainsi que cette 18ème chronique se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié, et que je ne vous aurai pas trop fait mal aux oreilles avec mes prononciations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamozo, sur son site à l'adresse www.radiogamozo.eu, ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous serons ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de 1000 histoires de tatouage. Ciao.